Bonjour et bienvenue sur Comic Stories, nous y sommes, c'est le 300e épisode de notre podcast, un épisode évidemment un peu spécial où nous allons vous parler des comics de notre vie, entre guillemets. On va essayer de se mettre d'accord pour trouver une liste commune et à mon avis, c'est pas gagné. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 300e épisode de Comic Stories. Et pour cette émission anniversaire, un retour, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas réussi à le connecter avec nous, c'est Anthony. Bonjour. Boris. Bonjour. Le fidèle au poste du confinement et des émissions spéciales. celui qui est là depuis le numéro 1 et qui a fait pas loin de 290 émissions avec moi, évidemment c'est Clément. Hello. Indéboulonnable. Erwan n'est pas avec nous ce soir, il était retenu par d'autres activités, mais il participera tout de même à sa manière à l'émission, ainsi que d'autres personnes dont je vous réserve encore la surprise de l'identité. Je vous l'ai dit avant le générique, on va devoir faire aujourd'hui se mettre d'accord pour une liste collective, une liste commune de l'équipe des comics de notre vie. On arrive tous avec notre liste de 10, on va la présenter tour à tour, on va pas détailler ce que sont ces œuvres, parce que c'est des choses dont tout le monde a entendu parler. On va juste présenter notre liste et dire pourquoi ces items, pourquoi on a mis ces titres-là dans cette liste et pas d'autres. Est-ce qu'ils ont une signification particulière ou pas? Ça, je vous laisserai l'expliquer. Et puis, à la fin de tout ça, on tentera de se mettre d'accord sur une liste collective. Ça va être un gros challenge. Je vous expliquerai comment on procédera juste après. Mais d'abord, on va commencer par la liste dans l'ordre alphabétique d'Anthony. Donc Anthony, toi, tu as réussi, après quelques petites fourberies, à n'avoir que 10 titres dans ta liste. Oui. J'y vais. Vas-y. Que sans... Enfin, pour moi, ils sont tous numéro 1 ou numéro 10, indépendamment. J'ai pas réussi à classer dans l'ordre. Donc premier, Avengers par Jonathan Hickman. De Avengers 1, New Avengers 1 à Secret Wars 9, intègre tout le run parce que c'est du grand vengeur, du vengeur céleste, simplement. Ensuite, Uncanny Avengers par Remender et notamment les arcs Ragnarok Now, et la partie avec le maître de l'évolution, donc après Ragnarok Now et les deux arcs qui suivent. Parce que c'est du Rick Remender sur les Vengeurs mutants et que ça ne s'arrête jamais. Bon, forcément Thor par Jason Aaron, parce que 2012-2020 en VF, on va être là bientôt avec la mini Thor. Parce que c'est de la fantasy, avec la note d'épique, humour et de sauvagerie qui convient parfaitement au personnage. Avec du dessin comme on en a rarement vu chez Marvel, avec notamment le trio Ezadribich, Russell Dotterman, Mike Del Mundo. En chose de plus à dire. Bon, là, ça va peut-être en faire frémir certains, mais Spider-Man par Micheline et McFarlane, parce que j'ai commencé Spider-Man par ça, dans les Strange ou Super Strange, je sais plus, de mon père. J'ai une certaine affinité avec ça, et je pense quand même que Todd McFarlane a révolutionné la manière de se mouvoir dans les pages et dans le mouvement qui peut influer. Voir Spider-Man se déplacer sous les tricks de Todd McFarlane, moi ça m'a toujours halluciné. Deuxième Rick Remender, à savoir Uncanny X-Force, avec notamment deux arcs, la solution Apocalypse et la saga de l'Ange Noir, pour les mêmes raisons que sur Uncanny Avengers, parce que c'est désespéré, parce que ça ne s'arrête jamais, et parce qu'il a une manière de lier famille, action et drame qui est relativement unique chez Marvel. Ensuite, Daredevil, mais pas celui qu'on croit, c'est-à-dire pas celui de Miller, parce que c'est le Daredevil de Frank Miller et qui est dans là, un top comics Marvel. Pas celui de Bendis, parce que celui que je préfère a d'autres qualités. Pas celui de Mark Waid, parce que c'est un Daredevil qui a le sourire, parce que c'est un Daredevil qui choisit peut-être la lumière au lieu de s'apesantir sur le noir. J'ai beaucoup aimé, avec notamment les numéros avec Ikari, Daredevil 25 de mémoire. Je sais pas, j'ai fixé sur ce numéro, j'ai adoré aussi la manière dont dont Chris Samnee a représenté le radar de Daredevil, détail mais qui a eu son importance. Ensuite, Moon Knight, entre la période 2014 et 2017, première tricherie, à savoir le premier run de Warren Ellis, tous cinq numéros en roi indépendant, avec notamment le numéro 2 ou 3 où c'est un Moon Knight version The Raid, c'est-à-dire qu'on le suit monter dans un immeuble désaffecté. C'est absolument brillant, vraiment brillant, et au crayon on déclame Shelvey, grand-chose de plus à dire. Et la partie du coup de Jeff Lemire sur Moon Knight, parce que je crois que j'ai jamais lu quelque chose comme ça chez Marvel récemment. Ouais, c'est du rêve halluciné, hallucinant sur papier. Donc, la deuxième tricherie, c'est Donny Cates chez Marvel, autour de deux séries, à savoir Venom et Thanos Wins. Parce que Thanos Wins, c'est vrai que le personnage de Thanos aujourd'hui, c'est un personnage peut-être qu'on retrouve aussi fréquemment que Captain America, Wolverine ou Spider-Man, la faute ou grâce au film. On verra, chacun aura son avis. Et Donny Cates est le seul qui a réussi à retrouver le drame et le personnage de théâtre peut être Thanos en quelques numéros, surtout après la catastrophe de Jeff Lemire sur Thanos. Donc c'est assez réussi et surtout avec Geoff Shaw au dessin, l'un des grands duos aujourd'hui de Marvel au même niveau qu'un Malice Bendis ou Brubaker acting. Je pense que ce duo-là va marcher, et forcément sur Venom, parce que il récupère là aussi un personnage qui a, par le plus grand des hasards, le vent en poupe, je ne sais pas trop pourquoi, qui arrive à faire mieux que ce qu'a fait encore une fois Rick Remender sur Venom, puisqu'il le ramène plutôt du côté Spider-Man de la chose, tout en liant à la grande continuité, à savoir le Thor Baron, du Miles Morales, absolument brillant, vraiment brillant. Et là, pour le coup, Ryan Stegman atteint son meilleur niveau. Depuis toujours. Enfin, deux petites pastilles indées. Première, Essex County, et la deuxième, Witches. Alors, c'est peut-être pas les meilleurs comics indés qui existent, que Essex County, on y reviendra. Par contre, c'est les deux qui m'ont procuré deux émotions complètement distinctes qui sur papier ont du mal à surgir en moi, qui est vraiment la tristesse calme d'un Essex County. J'ai pas pleuré à pleines larmes, mais hein, tu as la paupière humide en fermant le bouquin, et ça m'était jamais arrivé sur du comics. Witches, parce que c'est l'une des rares œuvres avec recueil de nouvelles de Lovecraft à m'avoir fait frissonner, et réellement frissonner, à me retourner pour voir s'il n'y a pas quelque chose derrière moi. Ça m'était jamais arrivé en comics. Je pense que c'est bien aidé par le trait de Jock, en déformé avec ses sorcières qui sortent des arbres. Mais voilà, pour vraiment ces deux. De ces jaillissements d'émotions, je retiendrai ces deux œuvres indées. Parfait. Effectivement, il y a certains titres dont on reparlera plus tard dans cette émission, parce qu'ils apparaissent dans d'autres listes. On a quand même réussi à avoir quelques points communs, hein, malgré le fait que nos listes sont quand même globalement très différentes. On a des points communs. Et on a tous, effectivement, je crois, notre petite Madeleine de Proust. Donc toi, c'est le Spider-Man de Micheline et MacFarlane. Et on en a tous un, je pense. Quand je vois les listes de chacun, je pense pouvoir dire quel est le titre qui correspond à ça chez les autres. Donc, ma foi, pas mal. Une liste, il va falloir réussir à la défendre tout à l'heure pour essayer d'en garder le maximum. Et avant de passer à la liste de Boris, je voudrais vous en dévoiler une autre. Pendant ces 7 saisons de Comic Stories, enfin ça fait 6 ans, bientôt 7 que ce podcast existe, et un peu plus de 7 ans que le site internet existe, nous avons rencontré du beau monde, nous avons réussi à faire quelques interviews, ma foi sympathiques, notamment récemment où Boris s'est déchaîné sur l'interview. La dernière en date, c'est celle de Werther Deledera. Et Werther Deledera, je l'ai contacté cette semaine pour lui parler de cette 300e émission et lui demander ses comics à lui, les comics de sa vie à lui. Et il a eu la gentillesse de me les communiquer. Donc j'ai sa liste de 3, puisque les artistes qui vont intervenir ce soir par le biais des listes que je vais communiquer ont donné 3 titres chacun. Werther Deledera, lui, il a eu beaucoup de mal. Il m'a un peu dit que c'était de la torture ce que je lui faisais faire, de n'en garder que 3. Mais il a fini par se mettre d'accord sur 3 titres. Comics en anglais, ça veut dire bande dessinée, hein. Donc on n'a pas que du comics au sens que nous on l'entend. Il y a du manga aussi, il y a de la BD un peu plus classique qui peuvent arriver dans les listes, hein, des artistes un peu internationaux qu'on va voir ce soir. Pour lui, c'est en premier, c'est Ghost in the Shell, parce qu'il adore la science-fiction et que particulièrement le manga, et que ce manga en particulier lui a complètement explosé la tête la première fois qu'il l'a lu, et que ça le refait à chaque fois qu'il le lit. Donc voilà. Quelqu'un a lu Ghost in the Shell parmi vous? Absolument pas. J'ai commencé, mais j'ai pas fini. Je crois j'ai pas trop accroché moi, mais. Je crois qu'Anthony, toi, tu connais. Ah, moi, ouais, je les ai lus il y a longtemps, mais j'ai beaucoup plus retenu l'animé. D'accord. Côté animé en mouvement, il y a aussi un film qui est sorti que j'ai vu, qui est bon, dans ce grand ventre mou de production hollywoodienne un peu moyenne. Ok, en numéro 2, Berserk et les Dera, il nous place Batman, The Dark Knight Returns, parce que évidemment il aime Frank Miller, et que c'est le comics que lui a mis son père dans les mains, et que c'est sans doute celui qui a déclenché le fait qu'il en achète autant après. Et puis en troisième, il met Alak Sinner, que je ne connais absolument pas, de Munoz et Sampaio, série de bande dessinée plutôt polar. Qui explose tous les murs et qui décompose l'idée du comics en tant qu'art pour lui. Je ne connais pas, je m'intéresserai, j'irai jeter un œil à ce qu'est ce Alak Sinner parce que je n'avais jamais entendu parler ce titre. L'interview de Werther Elderera, tu connais Boris, oui? C'est disponible en français en plus. Oui, c'est disponible en français, j'ai fait une petite C'est recherche du coup. des Espagnols, mais on peut l'avoir en français Oui, donc. ça existe en français. Puisque quand j'ai discuté un petit peu avec lui, du coup, les jours derniers là pour obtenir cette liste et échanger autour de son interview, tout ça, ça m'a rendu curieux. Donc je suis allé voir ce qu'était Alak Sinner. Donc oui, effectivement, c'est dispo en français. Voilà. Charmant monsieur, hein, ce Adorable, Berzer adorable. d'Aledera. C'est toi qui a fait son interview, cette dernière interview en date. Donc c'est pour ça que je t'ai commencé par lui, du coup, dans la liste des artistes. Super enthousiaste et puis super sympa, quoi. Ouais, l'interview est dispo depuis quelques jours sur le site, donc n'hésitez pas à aller la voir. Effectivement, je confirme, ce monsieur-là est adorable. Il a discuté avec moi comme si on se connaissait depuis toujours. Donc non, c'est vraiment très sympa. Voilà. Donc merci à lui d'avoir participé à ce 300e, et puis on en aura d'autres qui interviendront un petit peu plus tard, parmi la jolie liste de personnes qu'on a interviewées. Allez Boris, c'est à toi. C'est à moi. Tu as réussi, toi, à n'en avoir que 10 sans tricher. Pas du tout, pas du tout. Je n'ai pas triché, Non, mais sans tricher, je veux dire, mais sans faire des petits regroupements sournois comme l'a fait Anthony. non, non, je n'ai pas fait de sournoiserie de ce type. Par contre, ça aurait été un top 20, ça aurait été mieux quand même, hein, parce que Ah, bah c'est sûr. j'en avais bien une vingtaine, il a Après, fallu que c'est la j'élimine 300, j'aurais pu te donner sévèrement. un top 300 que tu m'aurais rempli aussi. Bof, oui, si, j'aurais pu, Aurait mais été mieux, ça aurait. ça aurait pas été un top, alors peut-être, Allez, mais quels sont les 10 comics de ta vie bon, que tu as réussi alors. à garder? Moi non plus, c'est pas classé, hein, Non. impossible de classer ces titres. Alors le premier que j'ai mis, c'est le Daredevil de Bendis. Deux raisons, c'est un des premiers comics que j'ai lu quand j'ai commencé à lire du comics. Et deuxièmement, l'écriture polar sur le personnage de Daredevil par Bendis. J'ai relu le run récemment là et ça m'a refait le même effet. C'était vraiment super bien écrit, et vraiment très très bon. Et puis les dessins d'Alex Maleev aussi. Qui font pour beaucoup. Le deuxième titre que j'ai mis, c'est Kill or Be Killed. Alors, il était inconcevable pour moi de ne pas avoir un titre de Ed Brubaker et Sean Phillips dans ma liste. Donc, il a fallu que je choisisse. J'ai pris celui-là pour son écriture hyper précise et hyper tendue et le dessin de Sean Phillips colorisé par Elizabeth Breitweiser, dont je trouve que c'est leur meilleur travail, peut-être avec Velvet aussi. Je crois que voilà, c'est la partie graphique que je préfère de. Ensuite, j'ai mis Strangers in Paradise parce que là aussi, pas de Terry Moore dans ce top, ce n'est pas concevable. J'aurais pu mettre à peu près toutes les autres séries de Terry Moore. J'ai mis celle-ci parce que c'est la plus emblématique, la plus connue et qui rassemble tout ce que Terry Moore met dans ses séries, de l'humour, de l'action, du polar dans celui-ci aussi, beaucoup de poésie et de tendresse pour ses personnages, donc et puis son trait, son dessin noir et blanc que j'adore. Ensuite j'ai mis comme Anthony le Moon Knight de Jeff Lemire parce que c'était effectivement fou quoi comme run, aussi bien graphiquement Declan Shalvey que scénaristiquement, c'était vraiment impressionnant. J'ai vraiment adoré ce run de Jeff C'est Lemire. pas assez, je me permets, c'est pas Declan Shalvey avec Jeff Lemire, c'est Greg Smallwood. Ah, c'est vrai, pardon, Oui, je c'est me suis vrai. trompé de nom. Merci de cette petite précision, j'ai confondu les deux. Ensuite, j'ai mis New Frontier de Darwin Cook. Pour le dessin, j'adore son dessin, et pour aussi l'ambition de l'œuvre, quoi, de retracer un peu comme ça une partie de l'histoire de DC avec tous ses personnages. C'était vraiment super bien scénarisé, super bien construit. Et puis voilà, puis le dessin, quoi. Ensuite, j'ai mis Invincible de Robert Kirkman et Ryan Otley, que j'ai préféré de super-héroïque ces dernières années. Ça rassemble un peu tout ce que j'aime dans le côté super-héros. C'est une série qui s'est toujours renouvelée systématiquement. En VF, ça doit faire 25 tomes, je crois. Il y a eu très rarement des petits moments de baisse, mais vraiment très très rare. Et à chaque fois, il a su renouveler sa série, renouveler ses statu quo. Vraiment quelque chose d'impressionnant et de vraiment très agréable. Ensuite, j'ai mis Batman Long Halloween. C'est un des premiers comics aussi que j'ai lu. Tim Sale, Jeff Loeb, ils ont fait plusieurs œuvres ensemble. J'ai mis celle-là parce que c'est la première que j'ai lu d'eux et c'est peut-être la seule que je préfère aussi, je pense aussi. La construction, les dessins impressionnants, ce côté polar mafia que j'aime beaucoup. Ensuite, Daredevil. Alors, Daredevil, j'aurais pu en mettre des tonnes. Hein. J'ai mis celui de Bendis. Là, j'ai mis celui de Miller parce que c'est un classique et que quand je l'ai découvert, vraiment, j'ai compris pourquoi c'était un classique. Cette révolution sur le personnage, aussi bien au niveau du scénario que du dessin. Et là aussi, j'ai pas le souvenir de m'être dit à un moment, c'était moins bon, quoi. C'est vraiment du très bon du début à la fin. Ensuite, un petit titre qui va sans doute en faire surgir quelques-uns de leur contrée. J'ai mis le Silver Surfer de Dan Slott et Michael Red. Le Silver Surfer n'est pas forcément un personnage pour lequel j'ai une affection particulière, mais j'ai trouvé sur cette mini-série, Dan Slott arrivait à mettre beaucoup de poésie. Il a créé le personnage de Dawn, qui devient sa fiancée, on va dire. Et c'est vraiment très agréable, très touchant. Il arrive à mélanger le côté un peu cosmique, aventure, avec ce côté très poétique. Et bien sûr, renforcé par le trait de Michael Red, que j'aime beaucoup, qui a une grande part dans la réussite de cette série. Et puis je termine par notre chouchou du moment, on va dire, depuis quelques mois, Giant Days, qui est vraiment une série bouffée de fraîcheur, drôle. Et j'aime aussi ce côté-là, cet aspect dans les comics et la BD en général, l'humour qui fonctionne parfaitement pour moi. Voilà, et j'ai éliminé plein de titres que j'aurais pu mettre, mais bon, il fallait bien se réduire à 10. Ouais, c'est compliqué, hein. On a tous eu ce problème. Ah oui, c'est compliqué, ouais. On a vraiment tous eu ce problème d'en garder que 10. On aurait pu partir sur au moins 20, 25 chacun, enfin, sans souci. Facile, ouais. C'est vraiment terrible, quoi. Enfin, et même moi, là, ma liste, elle est faite, je l'ai sous les yeux, et oh là là, et quand je vous entends parler, j'ai envie de faire des changements et tout, mais non, elle est figée, elle ne bougera plus. Un autre petit intermède parmi les personnes qu'on a eu la chance de croiser pendant ces 6 ans. On va aller du côté de la France avec deux personnes encore, des interviews très récentes. Il y en a une qui est tellement récente qu'elle n'est encore pas diffusée. Je vais commencer par Richard Mondragon, que j'ai eu il y a quelques mois maintenant pour la campagne Ulule de The Last Shinobi, qui avait eu un grand succès en autofinancement et qui va repartir pour le troisième épisode très très prochainement, là, dans quelques jours. Lui, il a choisi Batman, la malédiction qui s'abattit sur Gotham, que je n'ai pas lu. Non, ouais. Ça ne dit rien. C'est sorti chez Urban il n'y a pas très longtemps, je crois. Oui, ouais, non, je ne l'ai pas lu non plus, moi. Il sort tellement de Batman qu'on ne peut pas tout lire. Mais... Exactement, oui, Urban Batman. il ajoute également à sa liste The Valiant. J'adore. Moi, The Valiant, j'avais beaucoup, beaucoup aimé. C'était vraiment le début de cette nouvelle vague, de cette nouvelle ère de l'éditeur américain, qui, depuis, s'est un peu essoufflé, mais effectivement, Jeff Lemire et, je n'arrive pas à me rappeler, du dessinateur. Il va y avoir du Miko Soyan, non dedans. Non. Je l'ai rencontré en plus. Merde. Ah, je me rappellerai pas. C'est un nom espagnol, je crois. Mais... Bref, ça nous reviendra dans l'émission. Et en troisième titre qu'il a choisi, d'ailleurs il m'a joint une magnifique photo de son hôtel qu'il a voué au personnage avec une belle magnifique figurine, le bouquin devant et tout ça. Paolo Rivera, exact, pour The Valiant. C'est le Swamp Thing d'Alan Moore qui met en troisième élément de sa liste. Je mettrai évidemment la photo qu'il a eu la gentillesse de m'envoyer sur l'article de ce podcast. Vous pourrez la retrouver. Et ma foi, cette figurine va en faire verdir de jalousie plus d'un, je pense. Clément ? Oui. Ah, pardon, non, on a dit artiste français. Celui, j'avais dit deux. Et le deuxième de ces artistes français, c'est Julien Hugo Narbert, qui est en plein financement participatif, je le dis au passage, puisque c'est son 7e artbook, Girls, Golden Monsters, qui est en cours de financement sur Ulule. Donc si jamais vous avez l'habitude de suivre Julien Hugo Narbert et que vous n'aviez pas connaissance de cette campagne, elle est encore en cours. Et donc du coup, son top 3, enfin à peu près, dit-il, est d'abord constitué de Dark Knight Returns et Year One, donc le Batman de Miller, et il nous laisse en commentaire, je suis un grand fan de Frank Miller. Il a su raconter la fin et le début de Batman dans des styles très différents et pourtant de façon si efficace. Ses dialogues, les dessins, de lui-même ou de Mazzucchelli, c'est tellement fort, je les relis encore très souvent. J'aurais également pu parler de Born Again ou Sin City, mais puisqu'il faut faire un choix. En effet, il faut faire un choix, mais ces deux-là sont cités également. Deuxième comics, deuxième œuvre dans sa sélection de trois, c'est Promethea. Comme tout le monde, dit-il, j'aime Alan Moore, mais pas spécialement sur Watchmen. Je le préfère sur ses projets un peu à part, comme Swamp Thing, ou plus méconnu, comme l'univers Awesome. Et c'est justement dans l'univers Awesome qu'est née Glory, qui deviendra Promethea dans le label ABC. C'est une ode à la création onirique servie par un G.H. Williams 3 au top. Et enfin, il complète sa sélection de 3 avec Signal to Noise, ou tout ce qu'a pu faire le duo Neil Gaiman et Dave McKean. Un réalisateur se sachant condamné essaie de monter son dernier film racontant la peur des populations médiévales à la veille de l'an 1000, synonyme de fin du monde. La fin du monde, la fin de sa vie. Les séquences du film imaginées par le réalisateur et celles de sa propre vie se répondent et forment un tout très émouvant. C'est de la belle littérature mise en peinture de main de maître, mais faut avoir un peu le moral avant de se lancer là-dedans, nous précise-t-il. On remercie évidemment Julien d'avoir tout d'abord accordé cette interview à Boris, une interview très sympa qui est en ligne depuis quelques jours maintenant sur comicstories.fr, vous pouvez aller la consulter, et puis d'avoir aussi joué le jeu de ce numéro 300 et de nous avoir donné sa sélection de tes trois comics de sa vie, même si ça a été, on le sent bien, très difficile de choisir pour lui. Clément, je te rends la parole que tu avais prise et que je t'ai honteusement volée. Exactement. Il n'y avait plus de respect hein, après 7 ans, de toute façon, ça c'est clair. Tu as réussi, toi aussi, à nous faire une liste de 10. Tu t'es bien torturé l'esprit, parce que tu es le dernier à me l'avoir communiqué. Tu as pris tout le temps. Liste qui, ma foi, a plutôt de la gueule aussi, et que je te laisse nous présenter et nous expliquer. Spoiler, il y aura du Jeff Lemire. Évidemment. Évidemment. Mais pas que. Alors, mon premier, ça me semblait naturel, voire... Enfin, je ne pouvais pas ne pas le mettre. C'est Watchmen. Mm-hmm. Watchmen, parce que c'est Watchmen, parce que c'est cultissime, parce que c'est du Alan Moore, parce que... Enfin, je sais même pas quoi dire, quoi. C'est tellement un comics culte qui est ancré... Même dans la culture populaire, que je veux dire, ça ne pouvait faire que partie que de mon top 10, pardon. Le deuxième, j'ai fait le choix, enfin le deuxième c'est pas classé, mais j'ai fait le choix parce que là aussi c'est là aussi culte, que c'est un run considérable qui a je crois qu'on peut dire moderniser, voire révolutionner le personnage. C'est le run de Geoff Johns sur Green Lantern. Et j'ai adoré, quoi. Enfin, c'était génial. Et j'avais essayé de continuer après la fin de son run avec, je ne sais plus quel était l'auteur. Venditti, et j'ai pas du tout accroché. Enfin, c'est Geoff Johns avait sa patte, quoi. Il y a sa patte qui sera indéfiniment sur Green Lantern, encore. Et puis parce que aussi, ben, même si c'est DC, même si ça reste de l'ongoing, le run de Geoff Johns, je peux se lire comme un run, et c'est-à-dire que il y a une vraie, véritable conclusion. Et ça m'avait vraiment marqué. Et c'est, pour moi, c'est un incontournable. Et alors, il y a le troisième. Je sais pas si, enfin, vous avez la liste devant les yeux comme moi, mais je sais pas si ça vous surprend ou pas. Connaissant, ta liste, non, me surprend absolument pas. Je crois que je l'avais déjà dû l'évoquer en plus dans des podcasts. Oui, c'est un des premiers comics qu'on a abordé dans les podcasts. C'est le Batman and Robin numéro 18, donc sous la période des New 52. Et alors pourquoi cette issue? C'est qu'il m'a profondément marqué parce que je me souviens mettre d'autres Batman. J'avais hésité un moment avec le Batman 5 de la cour des hiboux parce que ça a été ma première grosse claque en comics quand j'ai commencé à lire de la VO, mais le Batman et Robin parce que ça a été une claque, mais vraiment littéralement une claque, et surtout parce que j'ai rarement lu un comics qui, uniquement par des dessins, c'est-à-dire pas par les mots, savait traiter du deuil. Et en l'occurrence, j'ai trouvé, mais c'était, enfin, les planches de Grayson étaient juste incroyables d'intensité et arrivaient à refaire retranscrire tout le désarroi et le deuil de Bruce Wayne. C'était juste incroyable. Et donc, ça m'a profondément marqué, d'autant plus que la série Batman et Robin dans les New 52 était sans doute la meilleure série du Batverse. Avec Tu vas fâcher Anthony, attention. Durant les nuits. Ouais, je vais rien dire. Le début de Batman était bien, mais à la seule différence entre le Batman de Snyder avec le recul, parce que j'étais un peu plus dithyrambique, c'est que le Batman et Robin en termes de qualité a vraiment été à mon sens constant. Donc voilà, c'était voilà pourquoi ce Batman et Robin 18 qui est plus contemporain, mais qui a un petit moment maintenant, et j'ai jamais trop retrouvé ça dans un comics pour le moment. Pour changer de l'indé, et comment, et ça va peut-être plaire à Mathieu, je le sais, comment on va pas parler... dans ma liste ou pas. C'est pas dans ta liste. Tu sais, mais... Ouais, c'est pas dans ta liste, mais je ne voyais pas comment ne pas mettre Saga. Je crois que ça doit être l'une des premières séries indé comics que j'ai lues, si j'ai bonne mémoire, et j'ai adoré, quoi. Et à chaque sortie, c'est d'ailleurs l'une des rares sorties en VF que je suis de manière assidue, à chaque sortie, je l'achetais, je le dévorais, et puis parce que voilà, c'est génial, et je rêve que d'une chose, si c'est bien fait, c'est qu'un jour ça soit adapté, soit en série ou en film, je ne sais pas, mais c'est juste génial et devenu culte, quoi. Et puis parce que les dessins de Fiona Staples sont juste géniaux, donc voilà, enfin Saga, parce que c'est Saga. Et alors, vous l'attendiez, forcément. Il arrive tard. Ouais, il arrive tard, mais encore une fois, c'est pas classé, donc voilà. Après, sincèrement, je sais pas à quelle place je l'aurais mis sinon, mais je ne pouvais qu'évoquer déjà du Jeff Lemire. Forcément, j'ai hésité, parce que j'ai vraiment hésité à mettre, par exemple, le run de Jeff Lemire sur Green Arrow, qui était génial, mais j'ai hésité, mais j'ai voulu mettre l'indé, et parce que vraiment, ça a été... Et vous le savez, je pense que les auditeurs le savent, ça a été l'une des séries, je fais un peu durer le suspense, sinon c'est pas drôle, ça a été l'une des séries qui m'a marqué et vraiment que j'ai surkiffé de A à Z, c'est forcément Descender. Voilà, enfin, parce que déjà, les dessins de Destiny Nguyen, moi, me laissent sans voix à chaque fois, et puis parce que l'univers qu'a construit l'émir, les mailleurs, enfin, je sais pas, l'émir, les mailleurs, bref, l'univers de Descender est génial, et voilà, ça me semblait, je ne pouvais qu'évoquer Descender. Et quand même, fallait quand même aussi évoquer des Frenchies. Des Frenchies, parce que je trouvais que ça me semblait important de le mettre. D'une part, parce que c'est des Français et il y en a trop peu. Enfin, il y en a, mais là, c'est des rares Français qui ont une visibilité, on va dire, notamment chez les Big Two, et c'est particulièrement pour l'autrice. C'est The Infinity Loop, parce que ça a été une grosse claque également quand je l'ai découvert, parce que je me souviens très bien, et je crois pas dire d'erreur, que ça avait été... c'était assez dingue, parce qu'on a... Je crois que c'était il y a quoi, 3-4 ans, c'est ça ? C'était en 2015 en France. En 2015, et quand je me souviens très bien, et c'était génial, quand on avait fait les Comics Awards, ça devait être une des premières éditions, c'était The Infinity Loop, et en l'occurrence, ses auteurs, Elsa Chartier et Pierrick Nicolet, je vais y arriver, qui était arrivé en tête, et c'était génial. Et puis parce que aussi, malheureusement, j'ai envie de dire, le propos de The Infinity Loop est cruellement d'actualité, et c'était formidablement bien écrit. Et voilà, et ça mérite d'être lu. J'ai pas lu la suite, je ne sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, c'est une pépite française notamment, et ça me semble important de le mentionner. Il t'en reste encore 4. Allez. Il m'en reste encore 4. Et c'est le seul Marvel de la liste. Qui est l'un des plus récents, là encore, pourquoi ce Marvel? Donc c'est Spider-Man Life Story. Pourquoi ce Marvel? Parce que je suis pas un énorme lecteur de Marvel, mais en l'occurrence, j'ai adoré ce titre, qui était juste, c'est génial, le concept est génial, c'est super bien écrit, ça adapte Spider-Man à ses différentes époques, ça pense superbement bien le personnage, et je crois que j'ai pas d'autre chose, c'est à mon sens, ça doit être lu. Ça doit être lu par ceux qui aiment le personnage de Spider-Man, mais même pas. Enfin, c'est original, et je trouve que c'est un concept qui est vraiment intéressant et qui mériterait peut-être, avec certains personnages, d'être fait. Et après, c'est que du DC Comics. Et alors là, je me suis dit, j'ai hésité et j'ai fait le choix de mettre DC Universe Rebirth, donc le seul numéro d'ailleurs, le one shot. Pourquoi ? Parce qu'à mon sens, positivement ou négativement, il est historique. Historique parce que, et je me souviens que ça a été une énorme surprise parce que j'avais par chance évité les spoilers et que littéralement j'ai gueulé en voyant la dernière page. Historique parce que je pense que ça avait, enfin corrigez si je me trompe, mais je pense que ça a surpris tout le monde. Personne l'avait vu venir. Ça a été l'introduction de l'univers de Watchmen dans l'univers, on va dire, principal de DC, donc Batman, Superman, etc. Et que ça a donné lieu, donc certes, à Rebirth, qui était un reboot, relaunch, en plus, enfin, je sais pas si semi-relaunch, semi-reboot en demi-tente, et ça a donné lieu au fameux Doomsday Clock qui devait être l'apothéose, et voilà, bref, enfin, historique, parce que voilà, il y a cet élément qui est que les Watchmen font partie intégrante de l'univers d'ici, au grand dam, sans doute, d'Alan Moore. Et enfin, les deux autres, donc là, pareil, parce que c'est également culte à l'instar de Geoff Johns, c'est le Batman par Grant Morrison. Enfin, je crois qu'il n'y a pas besoin d'ajouter, quoi. Au combien on peut ou pas aimer Morrison, il aura marqué durablement l'histoire de Batman. Il aura notamment, et je ne peux lui en être que reconnaissant, il aura créé le personnage de Damian Wayne, qui est, je trouve, le meilleur Robin que l'on a pu connaître. Et alors, rien que pour ça, Morrison doit être souligné. Et enfin... Donc après, Anthony, c'est à moi que tu t'en prends en disant ça, du coup. Exactement. Exact. Et enfin, le dernier, Flashpoint. Alors, pourquoi Flashpoint ? Parce que c'est devenu... Mais oui, pourquoi Flashpoint ? C'est une bonne question. Je vais expliquer pourquoi Flashpoint. Parce que, quoi qu'on en dise, c'est devenu... ça a marqué l'histoire, sans doute négativement, de DC Comics... que c'est devenu un classique, qui a même été adapté à la télévision, enfin, série télé, parce que le Flashpoint de The Flash, on va oublier. Et pourquoi aussi Flashpoint ? Parce que Flashpoint s'est rendu coupable de nous avoir fait subir les New 52, et ça devait quand même être souligné. Sans Flashpoint, on n'aurait sans doute pas eu cette catastrophe. Voilà. C'est original de l'intégrer, l'intégrer à ta liste sans ce prétexte. Moi, je pensais que c'était parce que c'était un des premiers que tu avais lu. Même pas. Que tu l'avais mis. Je crois que je ne l'ai jamais lu. Ah oui, d'accord. Tu es un arnaqueur. D'accord. Tu es un arnaqueur jusqu'au bout. Quoi. Non, je sais plus, mais j'ai dû. Je sais que j'avais vu la date. On en avait parlé dans un podcast dessus. Eh ben, quel arnaqueur. Sans transition, il y en a un qui n'est pas un arnaqueur. C'est un des plus grands artistes français. J'avais eu le plaisir de le rencontrer. Alors, c'était quand ? C'était la dernière édition de la PCE, je crois, ou l'avant-dernière. Donc, c'est dire si ça date. Et pourtant, il a répondu présent quand je l'ai recontacté cette semaine. C'est le très grand Paul Renaud, que je remercie lui aussi d'avoir bien voulu nous communiquer son top 3 des comics de sa vie. Ça va faire plaisir aux Marvel Boys, hein, forcément, puisqu'il y en a déjà deux sur les trois qui sont de Marvel. Le premier, c'est Daredevil Born Again. Et alors, en plus, Paul nous transmet un petit commentaire à chaque fois avec chaque titre. Donc pourquoi il a mis Daredevil Born Again ? Comme beaucoup, dit-il, cet arc m'a bouleversé et choqué. Le contexte de la série devient dans cette histoire terriblement réaliste, angoissant et désespéré. Mais Miller et Mazzucchelli offrent un dénouement formidablement humaniste et d'une beauté rare. Si tout art a pour fonction de créer de l'émotion, Born Again obtient la palme à mes yeux, dit-il. Mazzucchelli sublime le récit d'une narration visuelle sans faute et Miller vise juste à chaque texte. Et on peut lui donner effectivement raison, parce que Born Again reste quand même une des plus grandes œuvres sur les personnages de Daredevil. Si d'autres que moi l'ont lu. Oui, oui. Je confirme. En deuxième, il nous place Uncanny X-Men numéro 137. Parce que c'est pointu. C'est pointu, hein. C'est la mort de Phoenix. Bah oui, évidemment. Et il nous dit, c'est le sommet du run parfait de Claremont et Byrne. Les auteurs ont réussi à créer une famille à travers la série, tout en enchaînant les pires dangers. Il y avait un sentiment de danger imminent planant sur le groupe, une tension qui venait sans doute des tensions entre Byrne et Claremont eux-mêmes. La mort de Jean Grey frappe le lecteur comme elle frappe le groupe ou ses auteurs. L'injustice est palpable, nous dit-il à propos de ce numéro qui effectivement fait partie maintenant de la légende des X-Men et de Marvel en général. Et puis en troisième place, il nous place Sandman, en nous disant « Je ne saurais pas dire quelle partie, c'est une seule histoire pour moi. Cette série regorge de trouvailles poétiques et de belles idées. Encore une fois, l'émotion est très présente tout du long et particulièrement à la fin, quand on comprend enfin la nature du cheminement psychologique du personnage principal. Et Sandman, j'ai failli le mettre dans ma liste. » parce que oui, vraiment, on tient là encore un immense monument des comics. Il nous restera encore d'autres contributions à découvrir, mais avant, je vais vous transmettre la liste d'Erwan. Erwan qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui a quand même communiqué une liste. Alors lui, il en a 6. Il a fait dans la sobriété, il nous a donné 6 titres. Nous, on n'arrive pas à en mettre 10, lui, il a été beaucoup plus loin, il nous en a donné que 6. Évidemment, sans surprise, il met Muta Fukas dans sa liste. Je veux dire, c'est le lobbyiste numéro 1 pro Label 619 et pro Muta Fukas dans l'équipe, donc normal qu'il nous le mette dans sa liste de 6. Quelque chose qui parlera forcément à Anthony, puisque c'est dans ta liste, Uncanny X-Force de Remender. Ah oui. Voilà, tu en as déjà parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. Comme Clément, il a mis du Geoff Jones dans sa liste, mais il n'a pas mis Green Lantern, il a mis la JSA de Geoff Jones. Effectivement, c'est un run sur la JSA assez immense, et c'est sans doute ce run qui a fait que Geoff Jones est le Geoff Jones qu'on connaît chez DC maintenant. Et oui, c'est un vrai, vrai morceau de l'histoire de DC qu'il nous a écrit là, et c'est à lire pour ceux qui ne l'ont pas lu. Il nous place également Superman American Alien. Un récit bien plus récent, Max Bemis, je crois. John Landis. John Landis, oh bah ça rime. Oui, ça ressemble. D'accord. John Landis, chez DC, récit assez récent, sorti il n'y a pas longtemps chez Urban. Ouais, très, très sympa, ouais, très bon. Qui avait fait beaucoup parler à l'époque, ce récit qui est effectivement très fort. Comme Clément, du coup, je lui ai dit. MS. Non, mais j'en ai parlé avec lui. J'en ai parlé avec lui quand il m'a donné sa liste. Je lui ai dit, mais pourquoi t'as mis ça? Ça vient d'où? Je lui ai dit, ça, c'est un truc qui ne fait pas l'unanimité d'habitude. Parce que lui aussi, il a mis Flashpoint. Et il me dit, oui, c'est vrai, c'est pas Flashpoint, c'est Flashpoint et ces tie-in qui n'ont pas été publiés par Urban et qui pourtant apportent beaucoup au récit. Voilà la réalité de l'intitulé de l'item dans la liste d'Erwan. Et effectivement, je le rejoins sur les tie-in. Autant Flashpoint est assez difficile à vivre pour les fans de l'univers d'ici, autant quand on va chercher dans les tie-in, je pense forcément à celui sur Batman, même celui sur Superman qui est très sympa. Et il m'en a cité d'autres, mais la disparition du Kid Flash. Enfin voilà, il y a beaucoup de tie-in qui sont inédits en VF et qui d'après lui, aurait mérité qu'on s'y intéresse un peu plus et qui ont peut-être la malchance de faire partie de Flashpoint. Donc voilà, il souligne vraiment la qualité de ces tie-in qui mériterait qu'on les lise. Mais il l'a lu, lui. Oui. Par contre. Oui, oui. C'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Et en dernier, je l'aurais pas vu non plus, là, c'était. C'est le Planet Hulk. Ouais. Planet Hulk, alors je vais pas encore prendre le risque de donner le nom d'un artiste et que ce soit un autre qui rime. Greg Pak, et ben j'aurais dit Greg Pak aussi, donc ça va. Moi j'ai pas lu parce que Hulk ça m'intéresse pas forcément. Moi je l'ai lu, j'en garde pas un grand souvenir. D'accord, bon, après, ben, Erwan ça fait quand même partie des comics de sa vie. Allez, on va. Vas-y, Boris, t'as dit un truc? Non, vas-y, okay. C'est bon. J'ai annoncé là il y a quelques heures seulement sur nos réseaux sociaux qu'on allait faire ce week-end diffuser la 300e émission, qu'on allait se mettre d'accord sur les comics de notre vie, etc. Et vous avez été, ma foi, ça m'a surpris, assez nombreux à répondre par des messages privés en nous donnant quelques titres des comics qui vous font partie des comics de votre vie. Donc si je devais faire une petite synthèse, on retiendrait que dans les comics de votre vie, à vous qui nous écoutez depuis maintenant bientôt 7 saisons, et on vous en remercie jamais assez, dans cette liste il y a Saga, il y a Batman Year One, il y a Daredevil Born Again, comme Paul Renaud du coup, il y a Watchmen, il y a American Vampire, Lazarus, Black Science, Letter 44 et parmi les titres récents j'ai pu voir également plusieurs mentions au Batman White Knight. Ouais. Ouais. Ah ouais. Faut dire que Batman White Knight a profité d'une belle édition en noir et blanc chez Urban qui, même moi, me l'a fait beaucoup plus apprécier que ce qui avait été le cas quand je l'avais lu en VO. Donc, ma foi, pourquoi pas. Mais le American Vampire, effectivement, je n'avais pas pensé, mais c'est une série de Black Science, Lazarus, Letter 44, oui, enfin, voilà, ouais. Quand même des titres indés qui sont récents et assez forts aussi. Hein. Saga qui a marqué beaucoup de monde, évidemment, c'est le gros carton de chez Urban en indies, voilà. Une liste parfois des auditeurs qui, à part oui, effectivement le White Knight que j'ai retrouvé plusieurs fois mais qui m'a un petit peu surpris, mais pour le reste franchement vous êtes des auditeurs de bon goût. Allez, je vais vous donner ma liste à moi maintenant, avant de vous donner celle du ou des derniers, je ne sais plus, artistes qui ont bien voulu participer. Dans ma liste, alors là, je me suis franchement retourné le cerveau. Si je m'écoutais, j'en enlèverais, j'en remettrais d'autres. Enfin bref, mais je garde cette liste-là. En premier, alors je vous la mets dans la liste dans l'ordre dans lequel j'ai tapé, c'est pas du tout mon ordre de préférence. En premier, c'est Watchmen, parce que c'est peut-être le comics que j'ai le plus lu dans ma vie. Peut-être, non, avec le deuxième de la liste. Parce que chaque fois que je le lis, je me reprends une claque et que je redécouvre un nouveau degré de lecture. Voilà, c'est le monument. Urban le ressort en single en ce moment, et ben qu'est-ce que je fais, moi, comme un couillon, je l'achète alors que j'ai déjà trois fois Watchmen, y compris en single VO, mais c'est pas grave, je rachète cela et puis je les lis à chaque fois. Voilà, Watchmen, ça aura toujours cette emprise sur moi, et ça fait résolument partie des 10 comics de ma vie, ça c'est clair, autant pour d'autres, je pourrais les échanger avec d'autres, mais non, Watchmen, clairement. Tout comme l'autre, le suivant, c'est Life and Times of Scrooge McDuck. Et là, vous me dites, mais qu'est-ce qu'il nous a écrit et vous allez encore plus être peut-être surpris quand je vous dirai ce que c'est en français, c'est La Jeunesse de Picsou. La Jeunesse de Picsou, c'est le premier comics que j'ai lu dans ma vie, et c'est aussi un des comics que j'ai le plus lu dans toute ma vie, un comics qui est capable qui était capable à l'époque, j'avais une dizaine d'années, c'était un hors-série de Picsou Magazine, un comics qui a été capable de me faire rire et de me faire pleurer en un seul volume, avec ce numéro 4, cet épisode 4, où Picsou apprend la mort de sa mère dans une lettre qui est vraiment absolument déchirant. C'est du Don Rosa, que j'ai eu la chance de croiser plusieurs fois sur des festivals d'Angoulême, mais voilà, à chaque fois je n'avais pas mon exemplaire avec moi, et du coup un jour je le croiserai et j'aurai cet exemplaire et je pourrai me le faire dédicacer. Je croise les doigts. Voilà, La Jeunesse de Picsou, pour moi, fait partie des meilleures bandes dessinées de tous les temps, donc je devais la mettre dans cette liste. Et puis après, oui, forcément, je devais mettre aussi du Jeff Lemire, parce qu'il fait partie des artistes qui me le parlent le plus, en tout cas dans ses travaux indépendants, et comme Anthony, j'ai choisi de mettre Essex County, parce que c'est un bijou d'émotion brute, parce qu'effectivement, moi aussi, j'ai eu les yeux très humides quand j'ai refermé notamment le deuxième volume, le Book 2, parce que, ouais, c'est un des chefs-d'œuvre de la carrière de Jeff Lemire, clairement. Tout comme le deuxième, on en a parlé dans les tout débuts des podcasts, ça fait maintenant 5 ou 6 ans que c'est sorti chez Urban Comics, c'est Trillium. Trillium, moi j'avais lu en single, oui. En VO, c'est une claque à chaque numéro de créativité en termes de mise en page et de mise en scène du livre en lui-même. Un single qu'on est obligé de. Qu'on lit dans un sens et puis qu'après qu'on retourne pour le relire dans l'autre sens, la moitié inférieure de la page, un comics qui peut se lire en boucle puisque lui aussi il avait fait un palindrome, un comics où un épisode parmi les 8 qu'on commençait dans un sens et on arrêtait à la page du milieu, puis après on reprenait le livre à la fin et on le lisait en reculons pour arriver là encore à la page de milieu et les deux histoires se rencontraient. Enfin voilà, chaque épisode c'était une expérience de narration qui nous faisait, et à chaque fois c'est une claque. Et la fin, une magnifique fin très très émouvante là aussi. Donc, Trillium forcément. Il me fallait un titre Young. Il me fallait aussi du Marvel. Donc je les ai placés là. Du coup c'est les Young Avengers. Le duo Young Avengers et Children's Crusade, parce que forcément ça marque l'histoire des comics notamment la représentation de Hulkling et Wiccan, une histoire de jeunes héros qui prennent la relève après la débâcle qui a été Avengers Disassembled. Voilà, la relève, et à l'époque on avait bon espoir de voir cette nouvelle génération crever l'écran et devenir les vrais porte-étendards de l'univers, les vrais nouveaux futurs Avengers, et l'avenir on nous aura pas donné raison, et c'est bien dommage, mais en tout cas on garde deux maxi-séries d'une qualité incroyable. Donc je les ai mises aussi. Il me fallait du Wolfman et Perez. J'ai failli mettre les Teen Titans, mais finalement j'ai mis Crisis on Infinite Earths, parce que Crisis on Infinite Earths, c'est l'alpha de la crise chez DC, l'alpha du crossover qui remet à plat tout un univers, qui recrée un multivers. Et puis parce que à part les petits Batman qui sortaient en VF quand j'étais jeune, je crois que Crisis on Infinite Earths, c'est sans doute le premier comics DC que j'ai lu en VO. Et commencer par ça, il faut avoir l'estomac bien accroché, croyez-moi. Mais je m'en suis sorti, parce qu'à l'époque on faisait des recherches quand on ne connaissait pas les choses, on ne s'attendait pas à ce que tout tombe tout cuit, et voilà. Déjà en VF, c'était pas simple. Mais voilà. je me suis accroché, je ne comprenais pas tout, je ne connaissais pas tous les personnages, loin de là, il n'y en a même pas la moitié que je connaissais, mais je suis allé, voilà, lui qui sait, alors j'ai fait des recherches, ah ok, c'est lui, machin, il a vécu ça et tout, ah, bah faudra que je lise ça, etc. Et c'est, voilà, c'est cette série qui est un monstre de l'univers DC qui m'a vraiment fait tomber amoureux de cet univers, et si je suis un DC fanboy aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à Crisis on Infinite Earths. Il fallait de l'indé également, il fallait du Lock and Key, et oui, Boris, c'est évident de mettre du Lock and Key dans une liste. Mais oui, j'ai pas pensé, moi, j'ai pas pensé. Erwan nous en a parlé il y a pas longtemps, écoutez les dernières émissions, voilà, Lock and Key, c'est un des meilleurs comics indé qui m'a été donné de lire, c'est maîtrise dans la narration de bout en bout. Il me fallait du Daredevil aussi, évidemment. Il fallait du Daredevil ou du Flash, en fait. J'ai pas mis le Flash de Wade ni le Flash de Geoff Jones parce que j'ai pas arrivé à les départager. Du coup, j'ai mis le Daredevil de Bendis. En incluant End of Days, parce que ça fait partie pour moi du run, clairement. Cette série en 8. Un bijou, End of Days. Clairement, on n'en parle pas assez, et pourtant, c'est la vraie fin du run de Bendis, c'est magistral. J'ai mis moi aussi Mutafukaz, pour les mêmes raisons qu'Erwan, sans doute, parce que c'est ma claque du label 619. J'aurais pu mettre PTSD, j'aurais pu mettre, s'appelle cette série, les Doggy Bags, enfin voilà. J'ai mis Mutafukaz parce que c'est l'évidence pour moi chez label 619, et puis bah, l'autre évidence quand on parle de comics qui ont marqué l'histoire et qui font partie des comics de ma vie, c'est Mouse, de Art Spiegelman, qui a interviewé son père et qui lui a raconté son passé dans les camps de concentration et toute cette Shoah racontée en un comics qui vous balaye, il n'y a pas d'autre mot, quand vous le terminez, vous n'êtes pas le même que quand vous l'avez commencé, clairement, et c'est voilà, ça fait partie de l'histoire de la bande dessinée en général, et quand j'ai lancé cette idée de top 10, pour moi, clairement, Watchmen, La Jeunesse de Picsou et Maos, c'était les trois qui étaient dedans, ça c'était certain, et après les autres, ça allait se battre, quoi. Voilà pour ma liste. Va falloir qu'on se mette d'accord maintenant pour en éliminer, ça va pas être simple, mais juste avant je vais vous donner une autre liste une contribution d'une personne qui est peut-être mon plus beau souvenir d'interview, c'était à la PCE, c'est monsieur Alberto Jiménez Albuquerque, le dessinateur de Letter 44, que j'ai eu la chance de rencontrer deux fois, qui lui nous donne une liste de trois et qui nous transmet d'ailleurs qui me charge de vous transmettre à tous de l'équipe toutes ses félicitations pour ce numéro 300 et qui espère qu'on aura l'occasion d'en faire au moins le double encore et qu'il espère qu'on se rencontre également une prochaine fois pour une autre interview une fois que tout ça sera passé, vraiment une personne adorable avec qui j'ai pu échanger plusieurs fois et qui vraiment parmi les dessinateurs que j'ai pu rencontrer un des plus gentils, je crois que il y a Warzer de l'Edera, toi c'est ton souvenir Boris, moi c'est Alberto, clairement c'est une crème, et sa liste de trois c'est X-Men, alors X-Men en général, hein, lui il prend pas de gants, c'est X-Men quoi, X-Men c'est son enfance et il est incapable d'en choisir, c'est Dragon Ball, parce que quand on parle de comics on parle aussi de manga pour les anglophones, et le troisième c'est Wolverine Bloodlust, c'est pour ça que je vous demandais avant l'émission si vous connaissiez Wolverine Bloodlust, parce que moi je n'ai jamais entendu parler de ce titre. Non. Donc merci à Alberto. Ça restera un mystère. Voilà. S'il y en a qui connaissent, n'hésitez pas à nous dire de quoi ça parle, parce que moi, ça reste assez obscur pour moi. Merci évidemment à Alberto d'avoir encore répondu présent après ces deux interviews que j'avais eu l'occasion de faire avec lui. Et puis il y en a d'autres. Oui. Un Jeff Lemire, désolé Clément. Ouais. Je lui ai dit que c'était pour toi. Ouais, il te salue d'ailleurs. Il a pas voulu. Non, il le salue pas. Hein. Même quand je l'avais vu en boulot pour l'interview, il l'avait pas salué. Et pour compléter cette jolie liste de contributeurs, alors tout à l'heure je disais, Boris, que la dernière interview en date c'était celle de Warzer de l'Edera. En fait, pas tout à fait, puisque la vraie dernière, elle est encore pas publiée, c'est celle de Mike Spicer, le coloriste souvent associé à Daniel Warren Johnson, notamment sur Murder Falcon, sur Extremity, et il a aussi bossé sur Dead Eyes et sur Analog avec Gary Dugan. Donc on le voit sur pas mal de titres Image, il nous a également, en même temps que l'interview, communiqué sa liste des trois comics de sa vie. Et ce sont des inédits, je crois que ce sont des titres qui n'ont pas encore été abordés dans cette émission, donc ça sera très complémentaire avec le reste. Et décidément, amis auditeurs, vous aurez de quoi piocher dans toutes les suggestions, que ce soit les nôtres ou celles des artistes qui nous ont rejoints ce soir. Alors, sa liste, je disais, le premier comics, le premier bouquin qui est dedans, c'est Batman Gotham by Gaslight. Il nous dit que c'est son Batman. Il y a tellement de versions Batman, mais pour lui, c'est celle qui le symbolise le mieux. Il adore toute la mise en place, le point de vue stylistique notamment. L'interprétation de Mignola, c'est son meilleur. C'est la meilleure interprétation pour lui. C'est celle qui rend le plus justice à Batman, qui est pour lui, parfaitement illustré dans cette œuvre, parce que pour lui, Batman, c'est juste un détective à la recherche d'un méchant, et c'est ce qu'il a trouvé dans Gotham by Gaslight. En deuxième, il place la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, parce qu'il adore les personnages, qui sont juste profondément imparfaits, mais sincères. Il aime aussi l'époque qui est dépeinte, et l'utilisation des figures de la littérature familière dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Et son troisième et sa troisième œuvre dans sa liste, c'est Wolverine numéro 1, parce que ça lui rappelle simplement que quand il était enfant, c'est la série qu'il attendait le plus, et ça lui rappelle à quel point enfant il attendait cette série avec impatience à chaque numéro. Évidemment, merci à Mike Spicer pour l'interview qui est donc à venir dans quelques temps sur Comic Stories. Elle est presque prête à être mise en ligne. Et puis pour sa participation à ce numéro anniversaire. Allez, on va se mettre d'accord maintenant. Ou Comment pas. ça va se passer? Comment ça va se passer? On a 46 titres devant nous dans le tableau. Je vous demande pas qu'on en garde 10 parce que ça va être impossible. Il y a 20 places. Il y a 20 places dans la liste que vous voyez qui est pour moi en vierge à droite. Quelles sont pour nous, la question qu'on doit maintenant se poser, c'est quelles sont pour nous parmi cette liste de 46, et pourquoi pas piocher dans les ajouts hein, qui ont été faits par les artistes et par les lecteurs, quels sont les 20 comics de notre vie et que l'on pense que nos lecteurs devraient lire? Watchmen, obligé. Bon, Watchmen, c'est obligatoire. Obligatoire. c'est une unanimité. Donc déjà, on va se mettre d'accord sur ce. Voilà, je pense que c'est une bonne méthode. Ceux qu'on est sûr de laisser. Donc Watchmen, ok. Il y en a qui ont Ouais, été Daredevil. deux fois, ouais. Donc on peut. Alors il y a beaucoup de Daredevil. Maintenant, Daredevil, faut peut-être qu'on se mette d'accord sur un run et qu'on n'en mette pas 50, histoire de pas griller plein de places dans la liste. Alors dans ces cas-là, ce sera celui de Bendis pour moi. Ouais, bah oui, Bendis, on est plusieurs à le plébisciter. Alors le Daredevil de Bendis. En fait, ce sera peut-être facile, hein, les savoir. Pour l'instant, c'est facile. Ça va pas durer. Ensuite, s'il y en a qui vous paraissent évidents. Crisis? Flashpoint? Non, je déconne. Non, pas Flashpoint. Non, bon, Flashpoint, ok, Flashpoint passera à la trappe. Qu'est-ce que je vois? Moi, on est deux à avoir mis Essex County, c'est peut-être pas pour rien. Et je pense que quand je l'aurai lu, je serai d'accord avec vous. Tu Je pense penses que. aussi, vu que c'est Jeff Lemire, donc de toute Voilà. Je défendrai ma paroisse des Avengers par Hickman. Moi, je suis pas forcément contre parce que Secret Wars, ça reste quand même quelque Oui. chose. Enfin, le bloc Secret Wars, ça reste quand même un truc qui a marqué Marvel, quoi qu'on en dise. Et en tout cas, sa partie à lui et l'intention qu'il avait derrière ça, moi, ça me convient tout à fait. Et si on Ça doit garder du peut. Marvel moderne, ça me va. Hein. Allez. T'as pas eu beaucoup à te battre. Hein. Non, mais bon. Après, si je devais continuer à piocher dans ma propre liste, je pense que Thor par Jason Aaron, suffisamment long et suffisamment historique pour le mettre. Ouais, ça peut figurer. Ça pourrait figurer aussi dans la liste. Après, je pense que sur ta liste, Mathieu, Crisis on Infinite Earth, c'est suffisamment important, je pense, pour y figurer. Bah oui, bah moi pour moi ça fait partie des évidences, mais Oui, bah, c'est évident. Alors, nous nous mettons d'accord, on est déjà arrivé à 6, hein. De la même manière, sur la liste de Clément, pour moi, Batman par Morrison et DC Universe Rebirth. Pour Batman par Morrison, parce que je pense que c'est la meilleure synthèse encore aujourd'hui, du moins de ce qu'était le Batman avant 2010. Aujourd'hui, malgré tout, on a eu Snyder et Tom King qui ont quand même bien, chacun à leur manière, bien rafraîchi le personnage. Mais avant eux, du moins avant Snyder en 2011, Morrison a fait sa synthèse comme Bendis l'avait fait à son époque. Donc pour moi, Batman par Morrison, c'est obligatoire. Est-ce que Pareil. Batman par Morrison pour vous c'est. Enfin, moi je suis d'accord. Est-ce que Batman par Morrison pour vous c'est le seul Batman qui doit figurer? Ou est-ce qu'il y a un titre, même peut-être qu'on a eu dans les listes additionnelles, hein, qui vous paraîtrait Dark Knight incontournable? Returns. Lequel? Dark Knight Returns, il a été évoqué, non? Et oui, les deux. Pour moi, ce sont les deux. Parce que pour moi, il est incontournable. Enfin, c'est un classique. Il doit être lu, même s'il est très difficile à lire et que la lecture. Enfin, il y a une lecture à faire qui est indispensable. Moi, Ouais, ces c'est deux-là ça. doivent y être. Pac-Man Returns, il a été évoqué par Berser de la Dera. Nous, personne ne l'a mis chez nous, mais c'est pas pour rien que si tu tapes Top Comics à lire, il est dedans. Oui, non, non, mais oui, bien sûr. Après, nous, on Je mettrais plutôt le Year One, plutôt, mais bon. Ouais, pas moi. Mais. Bah, Year One est. Ouais. Enfin, moi, The Dark Knight Returns, je trouve, est quand même plus. Est un classique, littéralement parlant. Year One aussi, mais. Enfin, voilà, Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a une aura supplémentaire donnée à Dark Knight Returns. Moi, je suis. Par rapport à ces deux-là, il me faut, pour moi, effectivement, qu'on ait un Batman de Millerien dans la liste, ou quelque chose dans l'ordre de Long Halloween, enfin, voilà, des gros chefs-d'œuvre de Batman un peu plus anciens que Morrison. Après, vous dire lequel n'est. Un long Halloween, c'est pareil, hein. C'est un classique et. Je pense quand même que le Dark Knight Returns c'est plus important que long Halloween. Pareil, en termes du point de vue de la lecture, de relecture du personnage et même de l'incidence, parce qu'il y a quand même eu l'inspiration. Il est. Oui, c'est une influence plus forte, ça c'est clair. Il y a une influence. Ça. Plus forte. Ça pose les bases du projet de Miller sur sa trilogie. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est ça. Ok, moi ça me convient. On peut mettre au chaud une petite place pour le TDKR. Il y a pas de problème. Maintenant, on a quand même d'autres titres à trouver. Alors, on a mis quoi ? On a mis un peu de DC, un peu de Marvel. Si on va chercher un peu d'indie, peut-être de titres indés. Saga. Ah oui, Saga, malheureusement. Saga. Bah, tu te ranges quand même, Anthony, du côté de Saga? Je me range parce que Saga, c'est l'équivalent. Voilà, il y a Saga et il y a Walking Dead. Ouais, en tout cas, Saga est peut-être, en tout cas pour les lecteurs français, la série qui, avec Walking Dead, a plus fait sortir les lecteurs de Marvel et DC et les a amenés à aller chercher autre chose. Totalement ça, totalement c'est, ça. C'est... Là, c'est la manière qu'on a aujourd'hui de lire, c'est-à-dire du TPB, attendre 6 mois, avoir le volume d'après, la pause d'un an. Enfin, Saga, mon avis a plus ou moins évolué pour arriver au fait que je ne la lis plus, mais il faut quand même bien reconnaître que sans Saga, il n'y a pas tout ce qu'on a aujourd'hui en indé. Concrètement, Saga, ça a été le fer de lance d'Urban Comics en AD, effectivement. C'est sûr, quand tu veux lancer un label indé et que tu as cette série qui sort en même temps, Ouais, et clairement, sans Saga, Urban n'aurait pas eu la même aura du point de vue du comics indé. Et puis bon, quand bien même, enfin, Saga, je veux dire, les prix de Saga, le nombre de Eisner Awards. Oui, oui. Et puis moi, ça me va dans le sens où ça permet de mettre du Brian K. Vaughan et. Exactement. Et Fiona Staples. Ça a été un crève-cœur de ne pas mettre Why the Last Man et des choses comme ça dans ma liste. Donc, que Saga finisse dans la liste finale et que Kevon soit représenté, moi, ça me va. Il n'y a pas de souci. Vendu pour ça. Allez, on continue. Il y a de belles choses dans vos listes aussi. Moi, je mettrais Green Lantern par Geoff Johns. Si on doit retenir Geoff Johns, lequel on retient ? Je suis pas suffisamment au point pour juger. Moi, c'est celui que je connais le plus, mais je n'ai pas... Ouais, il y a pas un gros spécialiste. Hein. Si on doit retenir Geoff Johns, il y a... Pour moi, il y a Green Lantern. Oui. Green Lantern, c'est le truc un peu que... En fait, entre le Green Lantern et le GSA de Verwan, le Green Lantern, c'est le truc qui va être le plus facile peut-être à lire pour tout le monde, parce que ça va parler au plus grand monde, et que c'est un personnage qui est quand même assez connu, et que c'est la chose la plus moderne parmi les travaux de Geoff Johns, etc. Mais après, il y a aussi le fait que moi, quand j'ai envie de donner une liste de conseils de lecture des comics à quelqu'un, si je lui dis, voilà, là, t'as la liste de 20, quand t'as lu ces 20 trucs-là, t'as lu un peu tout, et tu seras à même de t'ouvrir à plein de trucs dans les comics derrière. La GSA est certes plus exigeante, mais pour moi a plus marqué l'histoire et plus marqué ce qu'est Geoff Johns. Après, si vous vous rangez derrière Green Lantern, on se range derrière Green Lantern, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas lu la GSA, donc je peux pas trop savoir. On va mettre Geoff Johns. On va tricher, oui. Mais attends, mais imaginons, par chance, il reste deux places à la fin. Ouais. Par chance, on sait jamais. Tu es optimiste. Parce qu'il n'y aura pas Flashpoint, donc du coup, ça libère une place. quoi d'autre ? Vous avez été quand même. Faut peut-être mettre du mutant quand même, Jean-Yves. Enfin, si on va chercher chez Marvel, on a mis un peu de Daredevil, on a réussi à mettre un titre Avengers. Deux à parler d'X-Force, est-ce que c'est celui-là ? Est-ce que c'est un autre ? En termes d'impact, il y avait le run de Morrison. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis. Bon, passons. Je n'ai pas mis le run de Morrison, mais il aurait pu y être. Le run de Morrison est quand même assez clivant dans la sphère X-Men. Je trouve que Uncanny X-Force, ça a quand même maintenant presque 10 piges. C'était peut-être la seule étoile dans tout le la nuit des X-Men de cette époque qui en fait a duré jusqu'à juin 2020 en VF, puisqu'on a eu Hickman 1, enfin, le premier numéro de Sandbox ce mois-ci, donc on ne pouvait pas le mettre en VF. Enfin, du moins, je ne l'avais pas lu, donc je n'avais pas besoin de le mettre. Maintenant, je trouve que Uncanny X-Force, ouais, tu me diras, il y avait Wolverine and the X-Men aussi. Bah, non, Uncanny X-Force, je trouve que dans ces 10-15 dernières années, c'est peut-être le titre X-Men, pas le meilleur, mais celui dont on a le plus entendu parler, celui qui est qui a su sortir du jeu un peu perdu des X-Men depuis 15 ans, quoi. S'il y a du X-Factor et s'il y a du Wolverine and the X-Men, mais voilà. Boris, toi qui l'as... Non, tu l'as lu, toi. Je l'ai pas lu. En VF, j'ai dû lire les deux premiers tomes, je crois, mais pas plus. Bon, j'ai bien aimé, mais ça m'a pas... Enfin, okay. Ça m'a pas marqué plus que ça, mais... C'est le seul titre mutant qui est proposé dans vos listes. Vous êtes deux à le mettre. Bon, pourquoi pas. Et puis Remender, le voir Remender présent dans une liste de 20 aussi, c'est quand même un des grands. C'est vrai qu'on n'a pas mis de Remender en indé. Il n'y en a aucun de nous qui a mis Remender en indé, alors qu'il a fait un paquet de séries quand même. Il a marqué aussi l'indé. Un, je crois, dans la liste des auditeurs. Black Science. La meilleure série. C'est vrai qu'avec le nombre de séries qu'il a faites sur les 10-15 dernières années en indé, il a quand même une influence importante et on n'en a pas mis, c'est vrai. Bah, tu peux l'extirper du lot. Ouais. Tu l'as lu toi aussi, Boris, Black Science? J'ai pas fini, mais j'avais commencé à lire, j'ai pas terminé du tout. Moi, le premier tome, j'étais pas enfin, voilà, je suis un peu passé à côté du premier tome, mais plus je repense à ce premier tome et plus je me dis que clairement j'aurais dû continuer. Et ça fait partie de mes regrets en indépendant, Black Science. Donc... Ah non, moi je le mettrai en termes d'aboutissement parce que c'est aussi la représentation de Mirai, il y a Descender aussi, mais c'est vraiment cette science-fiction un peu pulp, un peu années 70, d'exploration spatiale où finalement la véracité scientifique importe peu. Le but, c'est de l'exploration et de l'aventure. Récemment, je ne vois pas trop ce qu'il y a de mieux. Ou tout média confondu, d'ailleurs. Il nous reste 8 places. Il nous reste 8 places. Si je peux continuer à parler. Vas-y. Pour moi, le Moon Knight de Jeff Lemire, c'est l'accomplissement, c'est le point final de ce qu'a commencé à faire Matt Fraction avec Hawkeye, qui aurait pu d'ailleurs être dans le top. C'est-à-dire cette volonté de ouvrir les portes et de faire de l'indé chez Marvel. Ça, pour moi, ça commence avec Hawkeye, Fraction et Hara. Ça termine avec Jeff Lemire sur Moon Knight. Voilà, avec au milieu tout ce qu'on connaît, la période Axel Alonso. Je trouve que c'est vraiment le rêve, et vraiment le rêve dans le sens endormi, l'activité de rêve chez Marvel avec une équipe artistique au sommet. Aucun défaut dans ce run. Non, c'est vraiment génial. Ouais. C'est pas Boris qui va dire le contraire. Hein. Non, c'est vraiment. De toute façon, je l'insère, il nous reste quand même encore pas mal de place. Donc, puis après, on verra quand on lira la liste de 20 si elle nous convient ou si on se dit peut-être que quand même. Voilà. Si je dois piocher, moi, en regardant vos listes un peu, hein, vu de l'extérieur, j'ai effectivement une grosse tendresse pour le Giant Days que Boris a mentionné. Effectivement, Invincible, c'est toujours dans la liste de Boris, c'est le meilleur comics de super-héros hors Marvel et DC, et même bien devant cette Marvel et DC. Ouais. Voilà, si je dois en garder deux dans ta liste, il y a New Frontier aussi qui est formidable, Stranger in Paradise, tu sais, vous en dire du bien. Non, t'as une grosse liste. Si je dois aller chercher du côté SGR1, évidemment, j'irai chercher du Mutafukaz. Non, il y a encore beaucoup de choses. Du côté de chez toi, il y a quand même Mouse. Lock and Key aussi. Qui est incontournable. Malheureusement, j'ai pas encore eu l'occasion de le lire et je voudrais vraiment le lire. Mais je veux dire, c'est Mouse, quoi. Mouse, faut le lire quand on est disponible pour le lire et quand on est disponible pour le digérer aussi. Oui, exactement. Mais je veux dire, justement, il y a tellement ça a tellement une portée, ça a tellement une saveur. Enfin, on peut pas utiliser le terme de saveur, mais c'est tellement particulier. Ça a tellement c'est notre histoire, quoi, à travers le comics, et il est culte, mais dans tout le sens du terme, quoi. Il est indispensable, en fait, à lire. Donc je pense qu'il mériterait, il ferait partie de la liste du comics de notre vie, parce qu'en fait, c'est aussi, il participe aussi à relater notre histoire. Boris, toi, tu l'as lu? Ouais, je l'ai lu, mais il y a très très longtemps. Je me souviens que j'avais beaucoup aimé. Effectivement, c'est très, très fort, très marquant. Hein. Après, moi, forcément, hein, quand je vois ma liste, j'ai envie de toute la mettre en entière. Hein, donc, je suis pas bien placé pour en défendre un plus que l'autre dans ma liste. Hein. Si on parle en termes d'impact, puisqu'il y a des titres qu'on a mis aussi pour leur impact, effectivement, ça a sa place, hein, clairement. On lui garde une petite place, on va voir ce qu'après. Voilà. Ça me va. Tout ce que vous allez mettre de ma liste, je vais pas vous dire non. en termes de quoi on peut aller. Je pense que si Erwan était là, il faut pas oublier qu'il est absent, je pense que comme moi, il appuierait aussi le Giant Days de Boris. Parce que les trois, on le lit. J'ai l'impression qu'il l'aime autant que nous. Ah oui, il en a fait des jolis cosplays. De jolis. Et puis, ce sera peut-être le seul comics un peu léger qu'on aura dans notre liste. Quoi. C'est vrai. Parce que le reste. Tout à fait. Ça rigole pas tout le temps. Ouais. Non, ça rigole pas beaucoup même. Surtout qu'on vient de rajouter Mars. Ouais. Moi, je suis pas contre. Hein. Hop là, j'ai perdu la page. On va faire un petit copier-coller. On va le mettre là. Après, c'est sûr que ça n'a pas un impact comme un Mouse ou un Watchmen, évidemment. Ça n'a pas un impact dans l'histoire des comics. Mais bon, mais ça, c'est pas ça forcément que ça. Notre histoire à nous. Voilà, et ça. Donc c'est aussi ça l'intérêt de cette liste aussi. Sa force, quoi. C'est des choses qui à la fois ont marqué l'histoire, mais ont marqué aussi notre histoire. Il reste 5 places, messieurs. Heureusement que je n'ai pas dit 10. Ouais, heureusement, ouais. Pour moi, le DC Universe Rebirth, je sais pas, ça marque quand même une étape à un instant. Ah ouais, mais c'est ce que je disais, il est historique. Vraiment, je pense qu'il a sa place. Il marque l'histoire de DC Comics, quoi qu'on en dise. Pourquoi pas ? Après, c'est vrai que si on veut prendre quelqu'un par la main et lui dire « Allez, tiens, regarde DC, l'univers DC, ce que c'est, tu peux lui montrer ça. » Ça sera compliqué. Hein. Ça sera pas aussi compliqué que commencer par Crisis on Infinite Earth, je suis d'accord. Pour découvrir DC, on peut lire New Frontier aussi. C'est vrai. Après, moi, New Frontier, je prêche pour ma paroisse. New Frontier, j'ai une tendresse infinie pour ce titre. Et il a failli faire partie de ma liste. Hein. Mais Invincible a aussi failli faire partie de ma liste. Le dernier moment, j'ai oublié. Effectivement, c'est la petite image que tu as mise sur Instagram pour présenter le 300. Je me suis dit, mais oui, il faut que je le mette. C'est vrai, c'est cette image. Parce que c'est un numéro un peu célébration, etc. Et que quand je pense à une image de célébration et de fête dans les comics, de moments de joie, etc., je vois cette image-là, en fait. Tous ces personnages dans ce bar, à travers la vitrine, etc. Enfin, je trouve cette image de Darwin Cook, faite par Darwin Cook, tellement forte. Que ouais, du coup, c'est celle que j'ai choisie pour illustrer cet épisode. Si on n'arrive pas à en tirer d'autres de la liste, moi je fais ça, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous en voulez absolument d'autres ? On est à combien là ? On est à 17. Après, en classe, un incontournable. Pas incontournable ou truc de notre vie. Hein, voilà. Moi je maintiens quand même que le Batman par Morrison, c'est un con. On l'a pas mis ? Si, on l'a mis. Si, on l'a mis, d'accord. Oui, il est là, il est dans la corde de gauche, troisième place. Moi, je maintiens que Dissender est incontournable. Hein. Du Lemire, oui, mais on a déjà mis Sex County, non ? On a mis Sex County et on a mis Moon Knight. C'est pas pareil. Mais... Ouais, on a mis Moon Knight, ouais. Alors, c'est pas le même registre de Jeff Lemire. Hein. Ou alors, je vais changer. Les dessins de Dissender sont incontournables. Après, oui, Descenders, c'est une grande œuvre de ces dernières années, etc. Après, de là, j'ai du mal à me dire, je vais le mettre dans une liste de 20. Je fais mon forceur. Mais... Dire vraiment, voilà, ça c'est notre ordonnance. Oui. On vous prescrit ces 20 comics-là. Oui, Descenders n'est pas très très loin, à mon avis. Hein, si on avait si on avait mis 25 ou 30 places, peut-être qu'il serait rentré. Je mettrais bien Invincible. C'est du super-héros en indé. C'est un mélange des deux. C'est Kirkman. C'est Kirkman. Ça permet de lire du super-héros, mais sans les défauts du super-héros Marvel et DC, je trouve. Je l'insère pour le moment. On fera une lecture. Je voulais juste voir en termes d'équilibre Marvel DC, de quel côté on penchait. En fait, on a Daredevil, Avengers, Thor et Moon Knight d'un côté, et Uncanny Force. On a Rebirth, New Frontier. On a du Geoff Jones, on a Teddy Carrier et Batman de Morrison. On est à une égalité quasi parfaite. En Marvel, j'aurais peut-être mis, et ça va plaire à Anthony. Oh, attention. Le Thor par Jason Aaron. Évidemment. Non, mais c'est vrai que j'avais arrêté le, enfin j'avais lu un moment Thor et je sais pas pourquoi j'ai arrêté à mon regret, grand regret, et j'avais redécouvert le personnage par alors c'était en cours hein, en cours de route du run, bah je crois que c'est quand Jane Foster était devenue Thor, mais voilà, enfin pour le peu que j'ai lu, c'était génial. Et franchement, je pense que pour quelqu'un qui voudrait découvrir Thor, commencer par le run de Jason Aaron, ça ne peut donner qu'envie. Ah ouais, comme tu pourrais, enfin, je pense qu'il y a 20 ans, on conseillait celui de Simonson. Maintenant, tu conseilles celui de d'Aaron parce que c'est plus moderne. Ouais. Pour moi, chez Marvel ou chez DC, voilà, à part Snyder sur Batman, je vois pas qui est resté aussi longtemps sur un personnage. Et surtout, bah, quand tu prends la guerre des 10 royaumes, c'est installé depuis. Depuis Thor 13 ou 14, c'est-à-dire quand Thor est contre Roxxon avec Ross Salomon, bah, c'est-à-dire en 2013. Après, oui, ça a les défauts du mainstream, ça a les défauts de se voir bouffer son arc de fin, savoir War of the Realms pour en faire un event. Ça a tous ces défauts-là, je suis d'accord. Et dans la grande école du mainstream, aujourd'hui, je vois pas trop qui fait mieux. Ouais, c'est peut-être le seul moment où ça a été impacté, je trouve, par l'univers partagé et tous les défauts qu'a cet univers. Avant, il était resté quand même assez indépendant, on va dire. Et après, même War of the Realms, bon, je suis en plein dedans, moi je trouve ça pas trop mal. Même au-delà de ça, même en termes de visuel, Dotterman, Ivan Rivich et Mundo sur ta série, bon, tu sais t'encadrer, enfin, selon moi. Hein. Là, il nous resterait une case à remplir. Le seul problème, c'est que si tu parles d'accessibilité pour conseiller ça en VF, tu peux t'accrocher, mais. Oui, c'est clair. Ouais. Bah, même en VO, hein, ça, il y a tellement de relaunch, ouais, de renumérotation numéro 1, etc. dans ce run-là que c'est, même en VO, c'est compliqué parfois de le lire. Ça, c'est du 100% Marvel, ça. Hein. Ça, c'est clair. On suivra. Hein. S'il reste une place, il faut mettre Strangers in Paradise. Bon, je suis le seul à l'avoir lu, mais c'est quand même un symbole du comics indé. J'allais dire, s'il reste une place, il faut mettre Lock and Key. Et voilà, c'est vraiment le comics indé. Quoi. Le gars a sa boîte, il produit tout seul ses comics. Voilà, c'est un symbole quand même. Non, je ne vous ai pas convaincu. Non. Mais, merde. En fait, par rapport à Strangers... Je sais ce que tu en dis. Je sais ce que Sam sur la chaîne d'en face en dit. Je sais ce que j'en dirais si je l'avais lu. J'en suis convaincu. Si j'avais lu, je dirais la même chose que vous. Voilà. Mais tu l'as pas. Il y a pas de mais. Je mettrai. Comment? Pas la meilleure. Je mettrai Killer. Peut-être pas la meilleure du duo Baker Phillips. Ah, Killer Bikid. Mieux maîtrisé. Par contre. C'est un duo unique au sein de l'indé parce que c'est les seuls à faire ce qu'ils font, un peu bateau à dire, mais un duo qui marche autant, qui brasse autant de thématiques, le roman, le film noir, le gangster, le film du vieil Hollywood, les marques de la guerre, mais en même temps ils peuvent faire du fantastique tout en ayant la même équipe artistique avec, enfin, je vois, je les trouve assez passionnants à suivre. C'est pour ça, moi, un top 10 sans Brubaker, Sean Phillips, c'était inconcevable. Après, j'ai pris celui-là, bon, j'ai expliqué tout à l'heure. Toi, c'est lequel que tu préfères ? Leur duo, je préfère Criminal. Ouais. Enfin, j'ai hésité avec la dernière série Criminal, celle qui vient de sortir en VO. Ouais. On peut voir Killer Be Killed comme leur dernière collaboration. Donc, je pense que si tu conseilles Killer Be Killed, le lecteur potentiel aura l'envie et le goût d'aller voir ce qu'ils ont fait avant, et donc tu tombes forcément sur Criminal. Ouais. Killer Be Killed, j'avais lu le tome 1, j'avais trouvé ça très bien. Peut-être pas au point de le mettre dans ma liste, voilà, c'est clair. Après, là, c'est une place qui coûte très cher, c'est la dernière. Moi, de mon côté, il y a Lock and Key, et si Erwan était là, on serait deux. Il y a aussi Mutafukaz, pour lesquels j'avais envie de me bagarrer un peu. Je veux bien intégrer Killer Be Killed ou Strangers in Paradise, mais faut en sauter un autre pour mettre un des deux autres. Ouais, mais je sais plus moi ce qu'on a mis, ou presque. T'as pas sous les yeux le tableau ? Non, je l'ai peut-être pas mis à jour alors. Ah oui, mais le actualise du coup, parce que je sais pas si tu... Ça marche pas. J'ai regardé. Ah, bah voilà, quand j'aurais compris comment ça marche. C'est bon, j'ai actualisé. Bon alors, qu'est-ce qu'on va enlever ? Bon, Watchmen, pas terrible. Ça. On s'est pas mis d'accord sur un titre de Geoff Johns, mais on a mis DC Universe Rebirth numéro 1. Ah ouais, ça compte. Bah, c'est un trait à lui. Hein. Pour le média violent. Là, je vois pas trop dans la liste. C'est compliqué. On a un boulot de merde, là. Je sais pas. Je vous laisse cette. Entre Lokenki et Mutafukaz, moi, je mettrais plus Lokenki. Encore que Mutafukaz, vu le dernier numéro de Baloka, là, c'est. Mais Lokenki, c'est une maîtrise totale du début à la fin. Erwan, il pousserait Lokenki aussi, je pense. Puisqu'il l'a lu et qu'il en a parlé il y a pas longtemps, il a adoré. J'ai l'impression de le trahir en défendant pas plus Mutafukaz que Lokenki, mais. plutôt Killer Be Killed ou Strangers in Paradise. Les deux font partie de ta liste, Boris. Bah, moi. Vu que j'ai un peu de soutien du côté d'Anthony de Killer Be Killed, on va mettre Killer Be Killed, mais. Moi, j'ai pas lu Stranger in Paradise. Je connais pas ce. Enfin, j'en entends très souvent parler, mais je connais pas. C'est deux trucs totalement différents, donc c'est pas facile. Mais enfin, moi, je préfère pas l'un à l'autre. Je fais des manips là pour faire une liste de 20. Je mets Killer Be Killed, mais on pourra se décider après sur Strangers. Je vous laisse actualiser pour la voir sous les yeux, la liste de 20. On la lit et on voit s'il y a un truc qui nous choque et si on veut intégrer éventuellement un Strangers in Paradise ou autre chose à la place d'un des titres qui serait peut-être en dessous des 19 autres ou qui ferait peut-être doublon avec un autre, je sais pas. Pour le moment, la liste, elle donne Watchmen, elle donne Daredevil de Bendis, elle donne le Batman de Morrison, elle donne Dark Knight Returns, Saga, Lokenki, Uncanny X-Force de Remender, This Universe Rebirth, le one-shot, Invincible, Killer Be Killed du coup, Essex County, les Avengers d'Hickman, le Thor de Jason Aaron, Crisis on Infinite Earth, Black Science, le Moon Knight de l'Emir, Maos de Spiegelman, DC New Frontier, le Thor de Jason Aaron, et deux fois il prend deux cases, ben voilà, on a une place. Et Giant Days. Donc il nous reste une place. Prendre deux cases. Oh, il peut prendre deux cases, oui, mais non. Il a pris 8 ans, il a pris 8 ans de ta vie déjà. Non, 8 ans, c'est ça? Non, moins un peu. Oui, c'est avec le Marvel Law, donc 2012, oui, donc c'est ça. Ouais. Ah ouais, déjà. Mais il nous permet de placer un dernier, ça c'est bien. Ouais. Moi, je veux bien te faire cette fleur de mettre Strangers. Ça vous donnera peut-être envie d'aller le. Mais j'ai le déjà lire. Envie, je l'ai en plus, puisqu'il a été mis gratuit l'intégrale numéro 1 pendant le confinement en numérique par Delcourt. Ah oui, c'est vrai. Et puis là, ils ont fait des belles intégrales. Je les ai pas reprises, moi j'ai les vieilles éditions de Bulldog, un éditeur qui a disparu, je crois. Mais. Watchmen, Daredevil de Bendis, Batman de Morrison, Dark Knight Returns, Saga, Lokenki, Uncanny X-Force, This Universe Rebirth 1, Invincible, Killer Be Killed, Essex County, Avengers par Hickman, Thor par Aaron, Crisis on Infinite Earth, Black Science, Moon Knight, Maos, New Frontier, Strangers in Paradise et Giant Days. J'ai l'impression que ça a de la gueule. Effectivement. Après, est-ce que... Oui, c'est bon. Est-ce que sur Geoff Jones, on reste sur le DC Universe Rebirth ou est-ce que vous... Voilà, vous voulez mettre... Moi, je l'ai lu, à part son aspect historique, pour moi, c'est, ça n'a pas, enfin, ça a pas les mêmes qualités que les autres titres qu'on a choisis. Hein. Mais, ah, pour moi, c'est un, pour moi, comme c'est du fait, enfin, c'est con, hein, mais de fait, comme c'est un one-shot, j'ai moins d'attache avec. Parce que je m'attache toujours à quelque chose d'un one au plus long cours, etc. Moi, j'ai pas lu la GSA, j'ai pioché dans Green Lantern, donc ouais, entre les deux, je saurais pas juger. Moi, entre les deux, je mettrais la GSA ou je mettrais Flash, mais parce que j'en mettrais un troisième. Mais okay. Après Green Lantern, j'aime pas, enfin c'est pas de ma faute, j'aime pas le personnage et du coup bah j'accroche moins à ce qu'a fait Geoff Jones. Je sais pas. Après. Ah, du coup, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, on garde le one shot et basta. Hein. Parce que le Geoff Jones tout court, tu l'as retiré? La case Geoff Jones, ouais. Ah oui, ok, d'accord. Oui, bah je passe. J'ai pas de. Je sais pas non plus quoi mettre de lui. Moi j'aurais mis Flash ou JSA, vous auriez mis Green Lantern, peut-être JSA. Il y a ce one shot au milieu de la mêlée. Ce one shot n'est pas parfait, mais on peut considérer que c'est la synthèse. Oui, pourquoi pas. On s'en tient à ça? Ouais. Oui. Allez, ça va. Ça va tout le monde. Et eh ben alors on boucle cette liste que vous retrouverez du coup dans le post sur le site comicstories.fr, l'article lié au podcast. Hein, je vous en ai fait lecture tout à l'heure rapidement. Donc dans notre liste des 20 comics de notre vie, on met Watchmen, on met Daredevil de Bendis, on met le run de Morrison sur Batman, on met Dark Knight Returns. On met Saga du côté de l'indépendant avec Loken King. Si on retourne chez Marvel, on a Uncanny X-Force. On a donc le DC Universe Rebirth de Jones. On a Invincible. On a Kill or Be Killed et Sex County. Avengers par Hickman jusqu'à Secret Wars. Le Thor de Jason Aaron. Deux gros morceaux de l'univers Marvel récent. On a le monument Crisis on Infinite Earth. Black Science. Moon Knight par Jeff Lemire. Maos de Spiegelman. DC New Frontier Darwin Cook. Strangers in Paradise. Le bébé de Tony Moore. Et Giant Days de John Allison, qui est dispo en français aussi. Voilà, bah, écoutez, on a une belle liste avec un peu tous les genres, un peu toutes les humeurs, ça me paraît pas mal. Beau travail, on s'en est sorti. Il nous reste évidemment à vous remercier pour cette saison, à nous avoir été fidèles. On va très vite revenir dès la semaine prochaine pour un numéro 301 qui sera consacré, Boris, à Boom Studio, parce qu'on a enregistré il y a quelques jours une émission consacrée à l'éditeur qui monte en VO, Boom Studio. On va balayer un petit peu l'histoire de l'éditeur et les séries phares, dont Giant Days. Plein de bonnes petites séries là. Voilà. Et puis après, on reviendra une semaine plus tard pour un 302 qui sera consacré à des chroniques. Et puis, on a encore un hors-série qui date de la période de confinement qu'on n'a toujours pas diffusé, qu'on avait fait avec Boris concernant un manga cette fois-ci. On a fait une vraie grosse digression. On vous parlera de Kingdom. Voilà pour le menu des semaines à venir. Et puis après, on a encore plein de choses à vous raconter. Effectivement, ce numéro était le 300e, mais il y en a encore une pelletée d'autres qui nous attendent si on arrive à mettre toutes les idées qu'on a dans la tête en audio. Merci à vous, messieurs, pour c'est cette saison pour toi déjà, Clément aussi. Hein, tu termines aussi ta saison 7 avec ce 300e épisode. Très vite, un vétéran, hein, 290 quasiment. Hein, j'ai regardé à une ou deux près, t'en as fait 290 sur les 300. Donc, je suis pas loin d'avoir le record. Bah, le record, c'est moi forcément. Mais, mais évidemment. Puisque j'ai fait les 300, mais sinon, c'est toi évidemment, oui, qui a fait le plus. Ah là là, c'est sûr. C'est beau. Et de loin. Je pensais en plus en avoir fait moins que ça, tu vois. T'en as pas raté tant que ça. T'en as pas raté tant que ça. Eh ben écoute, on en a entendu des conneries de ta part. Oh oui, surtout au début, hein. Ah, c'était pire au début. Oh là là. Oui. Si vous avez écouté les premiers, oui, Clément a eu une grosse période où il levait fréquemment le poing, on va dire. Comme avait le Bent. C'est ça, mais pas pour le mettre au même endroit. Donc bref, voilà, on a tout vécu avec Clément. Exactement. Évidemment, merci Anthony, merci à Boris, qui sont certes des ajouts plus récents, mais qui sont évidemment précieux dans cette équipe. Et puis à Erwan, évidemment, qui n'est pas là, mais à qui on pense bien aujourd'hui. À très vite pour un 301e, je vous l'ai dit, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne soirée, bonne lecture, vous avez de quoi faire avec notre liste. À très vite.